Chapitre 6e. Le même jour, après le repas du soir, Charity, assise à la fenêtre de la cuisine, écoutait les propos de Mr. Royal et du jeune Harney s'entretenant sur le perron. Elle était restée là, la table desservie, attendant que Verena, traînant ses vieilles jambes, fût montée se coucher dans sa mansarde. Charity avait installé sa chaise près de la fenêtre ouverte et se tenait immobile, les mains sur les genoux. Le soir était frais et silencieux. Par-delà les collines noires, l'horizon teint de l'ambre du couchant passait lentement au vert pâle, puis à un bleu profond, un bleu de cobalt. En ce ciel élyséen, une grande étoile vint se suspendre. Le cri plaintif et doux d'une chouette, montant de l'obscurité grandissante, ponctuait les paroles des deux hommes. Mr. Royal parlait d'une voix sonore et gaie. Il y avait bien longtemps qu'il n'avait eu un interlocuteur de la qualité de Lucius Harney. Charity devina que le jeune homme symbolisait pour le mur tout un passé détruit, mais jamais oublié. Miss Hatchard venait d'être appelée à Springfield pour soigner la veuve de son frère qui était tombé malade. Et le jeune Harney, qui avait pris au sérieux sa tâche de dessiner toutes les vieilles maisons entre Nettleton et la limite de New Hampshire et d'en relever les plans, avait proposé à Mr. Royal de prendre pension chez lui. Il n'avait pas été question de loger le jeune homme, car on aurait pu lui céder une chambre. Mais il pouvait s'arranger pour rester chez Miss Hatchard si Mr. Royal consentait à ce qu'il prît ses repas chez lui. Après une journée de réflexion, Mr. Royal avait accepté la combinaison offerte. Charity le soupçonna d'être content de l'occasion de se faire un peu d'argent. Certes, il avait la réputation d'être avare, mais elle commençait à deviner qu'il était probablement plus pauvre qu'on ne le supposait. Ses occupations professionnelles étaient passées à l'état d'une vague légende, que faisaient seulement revivre, à longs intervalles, de rares convocations à Hepburn ou à Nettleton. Il semblait bien qu'il ne vivait plus guère que du produit de sa ferme et des rares commissions versées par les compagnies d'assurance qu'il représentait dans le voisinage. En tous les cas, il s'était hâté d'accepter la première offre que lui avait faite Harney, celle de louer le buggy pour 1,5 $ par jour, et sa satisfaction se manifesta même d'une façon assez inattendue à la fin de la première semaine. Rentrant un soir, il trouva Charity en train de s'arranger un vieux chapeau. En passant, il lui jeta sur les genoux un billet de 10 $. « Tenez, dit-il, faites-vous venir de Nettleton un joli chapeau du dimanche, un chapeau qui fera crever de jalousie toutes les filles du pays. » En parlant ainsi, il la regardait timidement, avec des yeux souriants. Elle devina tout de suite que ce cadeau imprévu, le seul cadeau important qu'il lui eût jamais offert, provenait du premier paiement de Harney. Mais l'avenue du jeune homme avait apporté à Mr. Royal autre chose qu'un avantage pécuniaire. Il lui était donné, pour la première fois depuis des années, de s'entretenir avec un homme instruit. Charity n'avait qu'une faible compréhension des besoins intellectuels de son tuteur, mais elle n'ignorait pas qu'il se sentait, avec raison, au-dessus des gens dont il faisait son habituelle compagnie. Elle se rendit compte vivement que Lucius Harney, lui aussi, reconnaissait cette supériorité. Elle fut même surprise de constater avec quelle autorité Mr. Royal parlait, maintenant qu'il avait un interlocuteur qui le comprenait, de même qu'elle fut frappée de la déférence affectueuse que le jeune Harney témoignait à l'avocat. Leur discussion roulait principalement sur la politique. Elle y comprenait peu de choses. Ce soir-là, toutefois, leur conversation avait un intérêt tout particulier, car il s'était mis soudainement à parler de la montagne. Elle recula un peu sa chaise, ne voulant pas qu'on s'aperçût de toute l'attention qu'elle prêtait à ce qu'il disait. « La montagne, la montagne !» s'écria Mr. Royal. « Mais c'est une honte pour le pays, monsieur, une honte !» Depuis longtemps, la police aurait dû balayer toute cette tangence malsaine. Mais on a eu peur, voilà, on a eu peur. La montagne dépend de notre commune, et c'est la faute de North Dormer s'il y a là-haut tout un ramassis de voleurs et de repris de justice qui vivent en face de nous, défiant audacieusement les lois de leur pays. Non pas un gendarme, pas un percepteur ou un coroner qui t'osait s'aventurer jusque là-haut. Quand on entend dire qu'il se passe des choses effrayantes dans la montagne, nos conseillers regardent de l'autre côté et votent une dépense supplémentaire pour l'abreuvoir communal. Le seul homme qui aille quelquefois dans la montagne, c'est le pasteur. Il y va parce qu'ils le font demander quand une mort le réclame. Oui, il paraît que là-haut, on a le souci de se faire enterrer chrétiennement. Concevez-vous cela, monsieur ? Je n'ai jamais entendu dire qu'on ait fait venir ce même pasteur pour bénir un mariage, pour lequel d'ailleurs il ne dérange pas davantage le juge de paix. Tous ces gens-là vivent comme des sauvages, en pleine anarchie. Il poursuivit, expliquant sous une forme un peu technique comment cette petite colonie de squatteurs était arrivée à vivre en dehors des lois, et cela sans qu'on les dérangeât. Charity, brûlant d'impatience, attendait les commentaires de Harney. Mais le jeune homme paraissait plus soucieux de connaître les idées de Mr. Royal que d'exprimer les siennes. « Je suppose que vous n'y avez jamais été vous-même » finit-il par demander. « Si, j'y suis allé, » répondit Mr. Royal avec un rire méprisant. « Les augures du pays me prédirent même que je n'en reviendrais pas vivant. Mais personne n'a levé un doigt pour me toucher. Et pourtant je venais de faire coffrer un des leurs. Coupable de vol et d'assassinat. Y êtes-vous monté par la suite ?»« Mais oui. » »« Tout de suite après même. » Le drôle était descendu à Nettleton, et quelques heures après, selon leur coutume, pris de boisson, s'était mis à courir tous les mauvais lieux de la ville. Il faut vous dire que chaque fois qu'ils font une coupe de bois, ils descendent et dépensent leur argent dans les débits. L'homme a naturellement fini par faire un mauvais coup. Il a tué un homme. Je l'ai tout de même fait condamner à 10 ans de réclusion, bien qu'on ait la terreur de la montagne jusqu'à Nettleton. Mais alors il se produisit une chose curieuse. Cet homme me fit demander d'aller le voir dans sa cellule. Je m'y rendis et voici ce qu'il me dit. L'imbécile qui m'a défendu est un propre à rien. J'ai besoin de quelqu'un pour me faire une commission à la montagne, et vous êtes le seul que j'ai vu ayant la mine d'un homme à qui l'on peut demander ce service. » Il me raconta donc qu'il y avait là-haut un enfant dont il était le père, du moins il le croyait, et qu'il voulait qu'on prît cette petite et qu'on l'élevât chrétiennement. Le pauvre diable me faisait vraiment pitié. Eh bien, j'ai fait la commission. Je suis allé chercher l'enfant. Il s'arrêta. Charity écoutait, pâle, le cœur battant à l'étouffer. « C'est la seule visite que j'ai faite à la montagne, » continua sèchement Mr. Royal. Il eut un moment de silence, puis Harney demanda. « Et l'enfant, n'avait-elle pas de mère ?»« Si, il y avait une mère. Mais elle paraissait plutôt heureuse de se débarrasser de la petite. Elle l'aurait donnée à n'importe qui. Ces gens, je vous le répète, sont des demi-sauvages. La mère, à présent, doit être morte, étant donné surtout le genre de vie qu'elle menait. Toujours est-il que je n'en ai plus jamais entendu parler. » « Quelle horreur !» murmura Harney. Charity, suffoquée par la honte, se leva brusquement et courut s'enfermer dans sa chambre. Elle savait donc enfin la vérité. Elle était la fille d'un ivrogne, d'un forçat, et d'une mère qui avait été heureuse de la voir partir, de se débarrasser d'elle. Et cette histoire de son origine, elle l'apprenait en l'entendant raconter au seul être à qui elle désirait passionnément paraître supérieure. Elle avait remarqué que Mr. Royal ne l'avait pas nommée, qu'il avait même évité toute allusion pour en l'identifier avec l'enfant ramené de la montagne. Elle comprit que c'était par égard pour elle qu'il avait gardé le silence. Mais à quoi servaient ses discrétions, puisque cet après-midi même, trompée par l'intérêt dont Harney faisait preuve à l'endroit des étranges habitants de la montagne, elle s'était sottement vantée devant lui de son origine. Maintenant, tout ce qu'elle venait d'entendre lui montrait qu'une telle origine ne pouvait qu'agrandir la distance qui les séparait déjà. Depuis 10 jours qu'il demeurait à North Dormer, Lucius Harney ne lui avait pas dit un seul mot d'amour. Il était seulement intervenu pour elle auprès de sa vieille cousine, et avait convaincu Miss Hatchard de ses mérites de bibliothécaire. Mais ce n'était là, après tout, qu'un acte de justice, puisque ses mérites n'avaient été mis en doute que par la propre faute du jeune Harney. Puis il avait prié Charity de le conduire quand il avait loué la voiture de Mr. Royal pour excursionner dans le pays. Mais cela, en somme, était aussi assez naturel, puisqu'il n'était pas familier avec la région et qu'il lui fallait un guide. Enfin, quand sa cousine avait été appelée à Springfield, il avait demandé à Mr. Royal de le prendre en pension. Mais à quel autre habitant de North Dormer aurait-il pu s'adresser? Ce n'était certainement pas à Carrick Fry, dont la femme était paralysée et dont la famille était si nombreuse que Harney n'aurait pu trouver une place à sa table, ni au Targat, qui demeurait à plus de 3 kilomètres du village, ni à la pauvre vieille Mrs. House, qui, depuis que sa fille aînée l'avait abandonnée, avait à peine la force de vaquer à son ménage pendant que Ali travaillait au dehors comme couturière. La maison de Mr. Royal était vraiment la seule où le jeune homme pouvait prétendre à recevoir une hospitalité convenable. Il n'y avait donc rien dans les événements extérieurs qui pût susciter dans le cœur de la jeune fille de si vives espérances. Mais sous les incidents visibles résultant de l'arrivée de Lucius Harney, elle sentait agir une influence aussi mystérieuse que celle qui fait éclore les premiers bourgeons et jaillir les feuilles avant que la glace s'est fondue à la surface des étangs. C'était vraiment pour une affaire sérieuse, que Harney était venu dans le pays. Charity avait lu la lettre d'un éditeur de New York, le chargeant de faire une étude sur l'architecture du XVIIIe siècle dans les régions les moins connues de la Nouvelle-Angleterre. Ce travail était à peu près incompréhensible pour Charity, et jamais elle n'arrivait à deviner pourquoi elle s'arrêtait, enchantée, devant certaines maisons d'aspect plutôt minable, alors que d'autres, soigneusement recrépies et repeintes par un entrepreneur du cru, ne lui arrachaient pas même un coup d'œil. Malgré les affirmations de Harney, elle était persuadée que l'Eagle County ne possédait pas autant de richesses architecturales qu'il le disait, et cela l'amenait à soupçonner que le séjour prolongé du jeune homme n'était pas sans rapport avec leur première rencontre, lorsqu'il était entré dans la bibliothèque et s'était arrêté devant elle en la regardant tout interdit. Tout ce qui avait suivi semble être né de ce regard. La façon affectueuse dont le jeune homme lui parlait, sa promptitude à la comprendre, son désir évident de prolonger leurs excursions et de saisir toutes les occasions de se trouver seul avec elle. Sa sympathie se révélait donc à des signes évidents, mais il était difficile d'en mesurer l'importance, les façons de Harney étant tout à fait différentes de celles des jeunes gens de North Dormer. Il était à la fois plus simple et plus respectueux que tous ceux qu'elle avait connus jusqu'alors, et souvent même, c'était quand il était le plus simple qu'elle mesurait davantage la distance qui les séparait. L'éducation et les circonstances avaient mis entre eux un abîme que les efforts de Charity n'arriveraient jamais à combler, puisqu'au moment même où la jeunesse de Harney et l'admiration qui lui témoignait le rapprochaient d'elle, il suffisait d'un mot, dit par hasard, d'une involontaire allusion, pour la rejeter bien loin de lui. Jamais ce gouffre ne lui avait paru si profond qu'au moment où elle s'était enfuie dans sa chambre, emportant au fond de l'âme le douloureux écho du récit de Mr. Royal. La première idée qui perça en elle, au milieu de son immense désarroi, fut le désir de ne jamais plus revoir Harney. Il lui semblait trop amer de se le représenter écoutant d'un air détaché une telle histoire. Qu'il s'en aille demain, et ne revienne jamais, gémissait-elle, le visage sur son oreiller. Et tard dans la nuit, elle resta ainsi prostrée, ayant oublié de se dévêtir, souffrant jusqu'au fond d'elle-même, perdue dans un océan de tristesse, où tournoyaient comme de pauvres épaves tous ses espoirs et tous ses rêves. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le lendemain matin, il ne lui restait de tout ce tumulte qu'une vague angoisse au cœur. Sa première pensée fut de constater le temps qu'il faisait. Harney lui avait demandé de le conduire à la maison brune et ensuite au village éloigné de Hamblin. Comme l'excursion devait être longue, on était tenu de partir de bonne heure. Le soleil brillait dans un ciel clair, sans nuages. Charity, levée plus tôt que d'habitude, descendit dans la cuisine pour préparer des sandwichs au fromage, passer du petit lait dans une bouteille et envelopper des tranches de tarte aux pommes. Tout à sa tâche, un peu nerveuse, elle prit à partie la vieille Verena, l'accusant d'avoir égaré un panier dont elle avait besoin et qui d'habitude était suspendu dans le corridor. Quand elle gagna le perron, vêtue de sa robe de percale rose un peu passée au lavage, mais encore assez fraîche pour faire valoir son teint brun, elle eut soudain un sentiment si joyeux d'être en harmonie avec le soleil et la fraîcheur du matin que les dernières traces de sa peine s'effacèrent. Qu'importait, après tout, d'où elle venait, de qui elle était née, puisque l'amour chantait en elle, et puisque, justement, elle apercevait le jeune Harney ouvrant la grille du jardin. Mr. Royal se trouvait lui aussi sur le perron. Il n'avait rien dit au déjeuner, mais quand elle apparut avec sa robe rose, son panier en main, il la regarda d'un air surpris. « Où allez-vous » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Mais... Mr. Harney se met en route aujourd'hui de meilleure heure. Mr. Harney ? Mr. Harney, est-ce que Mr. Harney n'a pas encore appris à conduire un cheval lui-même ? » Elle ne répondit pas. L'avocat se renversa sur sa chaise en rotin et se mit à tambouriner des doigts sur la balustrade en bois qui entourait le perron. C'était la première fois qu'il prenait ce ton en parlant du jeune homme, et Charity eut un léger frisson d'inquiétude. Un moment après, il se leva silencieusement et passa derrière la maison, se dirigeant vers le bout de terrain où bêchait un homme de peine. L'air était frais et bleuté, et les lointains brillaient de cet éclat automnal que leur donne le vent du nord au premier jour de l'été. La nuit avait été si calme que la rosée était restée partout suspendue, non comme une buée légère, mais en gouttes translucides qui frangeaient les fougères et mettaient des diamants dans les herbes. Il y avait du chemin à faire avant d'arriver au bas de Porcupine, il fallait traverser la vallée, où des collines bleues s'élevaient au-delà des prairies en pente, puis descendre à travers les bois de hêtre, suivre ensuite le cours du Creston, petite rivière bondissant entre les rochers feutrés de mousse, et enfin traverser les terres cultivées qui entourent le lac de Creston, pour gravir, en dernière étape, les cols de l'Eagle Range. Enfin, ils atteignirent le sommet. Devant eux s'ouvrait une autre vallée verte et sauvage, et au-delà, d'autres collines bleues fuyaient vers un ciel d'un bleu plus clair, comme les vagues d'une mer déferlant sur une côte voilée de brume. Harnais attacha le cheval à un tronc d'arbre, et ils déballèrent leur panier sous un vieux châtaignier dont le tronc fendu laissait s'échapper un vol continu de bourdons. Le soleil était brûlant. Derrière eux montait le grand murmure de la forêt. Des insectes d'été dansaient dans l'air, et un essaim de papillons blancs éventait les panicules frangées de l'eupatoire rose. En bas, dans la vallée, pas une maison n'était visible. On ne dit que Charity et le jeune Harnais étaient les seuls êtres vivants entre le ciel et la terre. La gaieté de Charity tomba soudain. De vagues inquiétudes effleuraient sa pensée. Couché à côté d'elle, ses bras pliés sous sa tête, les yeux sur la dentelle des feuilles qui l'ombrageaient, Harnais se taisait. Charity, inquiétée par son silence, se demandait s'il songeait à ce que Mr. Royal lui avait raconté la veille, et si vraiment il la méprisait à présent à cause de sa triste origine. Elle regretta soudain qu'il lui eût demandé de le conduire à la maison brune. Elle aurait préféré qu'il ne vît pas les gens de son milieu natal à cette heure où l'histoire de la veille était encore toute fraîche dans son esprit. Plus d'une fois, elle fut sur le point de lui proposer d'aller directement à Hamblin, où se trouvait une autre maison qu'il désirait voir, mais la timidité et l'orgueil la retinrent. Après tout, il vaut mieux qu'il sache d'où je sors, se dit-elle. Mais en réalité, c'était la honte qui l'empêchait de parler. Tout à coup, elle leva la main et montra le ciel. « Voilà un orage qui s'annonce !» Il suivit son regard en souriant. « C'est ce petit nuage parmi les pins qui vous effraie? Il est au-dessus de la montagne, et un nuage sur la montagne annonce toujours le mauvais temps. « Oh, vous savez, » fit-il en souriant, « je ne crois pas à la moitié du mal que vous dites tous ici sur la montagne. Mais en tous les cas, nous aurons le temps d'atteindre la maison brune avant que la pluie n'arrive. » En effet, quelques gouttes seulement tombaient quand ils s'engagèrent sur la route longeant les flancs abrupts de Porcupine, se dirigeant vers la maison brune. Celle-ci se dressait solitaire devant un marécage bordé de fourrés d'aunes et de grangeons. Pas d'autre habitation en vue. Il eût été difficile d'expliquer pour quel motif le premier colon s'était décidé à construire sa demeure dans un endroit aussi hostile. Charity avait tout de même recueilli assez de bribes de l'érudition de son compagnon pour comprendre les raisons qui l'avaient attirée vers cette maison. Elle remarqua les moulures en forme d'éventail de l'imposte vitrée, les cannelures des pilastres aux encoignures de la façade, et l'œil de bœuf du fronton, car elle savait, pour des raisons qui lui échappaient encore, que c'étaient là des particularités à noter et à admirer. Pourtant, ils avaient vu d'autres maisons beaucoup plus typiques. C'était le mot de Harnais. Comme il jetait les rênes sur le cou du cheval, il dit avec un léger mouvement de mépris, « Nous ne resterons pas longtemps. » Derrière les zones agitées par le vent, la maison avait l'air étrangement désolée. La peinture des volets et des portes s'était écaillée, et par endroits avait disparu. Les vitres des fenêtres, brisées, étaient bouchées avec des guenilles, et le jardin n'exhibait plus qu'un triste fouillis d'orties et de mauvaises herbes, parmi lesquelles bourdonnaient de grosses mouches bleues. Au bruit des roues, un petit garçon aux cheveux filasses et aux yeux pâles comme ceux de l'Effayat vint regarder par-dessus la barrière, puis là se cachait derrière un hangar en appentis. Harnais mit pied à terre, et la Charity à descendre de voiture. À ce moment, la pluie se mit à tomber, une grosse pluie d'orage balayée par un vent furieux qui s'éleva tout à coup, faisant plier à se rompre les buissons et les jeunes arbres, arrachant leurs feuilles, changeant la route en rivière et remplissant les crues du terrain de flaques d'eau écumante. Le tonnerre grondait sans cesse, accompagnant le bruit de la pluie et du vent, et une étrange lueur courait à ras du sol sous l'obscurité grandissante. « Nous avons de la chance d'être ici après tout, » dit en riant Harnais. Il attacha le cheval sous le hangar délabré, puis enlevant son veston pour en envelopper la jeune fille, il courut avec elle vers la maison. L'enfant n'avait pas reparu. Comme on ne répondait pas quand ils frappèrent à la porte, Harnais souleva le loquet et tous deux entrèrent. Ils se trouvèrent dans une cuisine. Trois personnes s'y tenaient. Une vieille femme, qui avait un mouchoir noué autour de la tête, était assise près de la fenêtre. Elle tenait sur ses genoux un jeune chat maigre et pelé. Une autre femme, la pauvre et s'échevelée que Charity avait remarquée un jour à la porte de la maison, se tenait debout, appuyée contre la fenêtre, et les regarda entrer d'un air hébété. Près du poêle, un homme à la figure mal rasée, la chemise sale, dormait assis sur un tonneau. La pièce était nue et misérable. Une atmosphère lourde, chargée d'odeurs de crasse et de fumée de pipe, y stagnait. Le cœur de Charity se souleva. Les histoires invraisemblables qu'on lui avait racontées sur les gens de la montagne le revinrent à la mémoire. Le regard de la femme était si déconcertant, et le visage de l'homme endormi si ignoblement brutal, que son dégoût s'augmenta d'une peur vague. Elle ne craignait rien pour elle, sachant bien que les Hayat ne lui causeraient aucun ennui, mais elle n'était pas sûre de la façon dont il recevrait un monsieur de la ville. Lucius Harney aurait certainement ri de ses craintes. Il promena son regard autour de la cuisine, proféra un bonjour général auquel personne ne répondit, et demanda à la jeune femme s'il pouvait s'abriter sur leur toit jusqu'à la fin de l'orage. Elle détourna les yeux et regarda Charity. « Vous êtes la demoiselle de chez l'avocat Royal, n'est-ce pas ?» Charity rougit. « Je suis Charity Royal, » dit-elle, comme si elle voulait affirmer son droit à porter ce nom dans l'endroit même où il pouvait le plus être mis en doute. La femme ne parut rien remarquer. « Vous pouvez rester, » dit-elle simplement. Puis, indifférente, elle se retourna et se pencha sur une casserole dans laquelle elle remua quelque chose. Harney et Charity s'assirent sur un banc fait d'une planche reposant sur deux caisses. En face d'eux était une porte, pendante sur ses charnières brisées. Par la fente, ils aperçurent les yeux du gamin aux cheveux filasses et la tête d'une petite fille palote avec une cicatrice rouge à la joue. Charity sourit et fit signe aux enfants d'entrer, mais ceux-ci s'enfuirent sans bruit sur leurs pieds nus. Sans doute avait-il peur d'éveiller l'homme endormi, et la jeune femme partageait probablement cette crainte, car elle marchait sur la pointe des pieds en évitant de s'approcher du poêle. La pluie continuait à battre la maison, crachant par les vitres cassées, mal rapiécées, faisant des mares sur le plancher. De temps en temps, le petit chat miaulait, se débattait et s'échappait. Alors la vieille femme se penchait, le rattrapait et le serrait dans ses mains osseuses sans qu'un muscle bougeât dans sa figure ridée et immobile. Par deux fois, l'homme s'éveilla à moitié pour changer de position. Enfin, il s'assoupit, la tête basse tombée en avant sur sa poitrine velue. Comme les minutes passaient et que des paquets d'eau continuaient à gicler sur les vitres, une horreur du lieu et des gens s'empara de Charity. La vue de cette vieille, de ses enfants craintifs et de cet homme en guenilles cuvant son alcool, firent paraître sa vie à elle comme une vision de paix et d'abondance. Elle revit la cuisine de la maison de Mr. Royal, avec son plancher bien lavé, son buffet garni de faïence, et cette odeur de levure, de café et de savon de ménage qu'elle avait toujours détesté, lui sembla soudain le symbole même de l'ordre et de la propreté. Elle revit le cabinet de travail de Mr. Royal, le fauteuil de crin noir au dossier, la carpette faite de bandes de drap fané, la rangée de livres sur une planche, la gravure de la reddition du général Burgoyne, et, devant le poêle, le tapis avec un épagneul brun et blanc bordé de laine verte, simulant la mousse. Puis sa pensée s'envola vers la maison de Miss Hatchard. Là, tout était fraîcheur, ordre et élégance. Comparativement, la maison rouge lui avait toujours semblé si pauvre et si nue. « Je suis de la race de ces gens-là. Je suis de la même famille », se répétait-elle intérieurement. Mais ces mots lui paraissaient vides de sens. Tous ses instincts, toutes ses habitudes, faisaient d'elle une étrangère égarée parmi ces malheureux vivant comme des bêtes dans leur tanière. De toute son âme, elle aurait voulu n'avoir point cédé à la curiosité de Harney et ne l'avoir pas conduit chez les Hayat. Comme la pluie l'avait trempée, elle se mit à trembler sous la mince étoffe de sa robe. La jeune femme dut s'en apercevoir, car elle sortit de la cuisine et revint avec une tasse ébréchée à moitié remplie de whisky qu'elle offrit à Charity. Celle-ci fit un geste de refus, mais Harney prit la tasse et la porta à ses lèvres. Quand il l'eut posée, Charity le vit fouiller dans sa poche et en sortir un dollar. Il hésita un moment, puis se ravisa. La jeune fille devina qu'il ne désirait pas qu'elle le vît offrir de l'argent à des gens qu'elle lui avait dit être peut-être de sa famille. Tout à coup, l'homme s'agita, leva la tête et ouvrit les yeux. Il chercha à fixer son regard vague sur Charity et sur Harney, Il referma les yeux, et de nouveau sa tête retomba sur sa poitrine. Mais une certaine anxiété se peignit aussitôt sur le visage de la femme. Elle le regarda par la fenêtre, puis revenant près de Harnais, elle dit « Je crois que vous feriez bien de vous en aller maintenant. » Le jeune homme comprit et se leva. « Merci, » dit-il en lui tendant la main. Mais la femme parut ne pas remarquer son geste, et tandis qu'il se dirigeait vers la porte, elle leur tourna le dos. La pluie tombait encore, mais ni l'un ni l'autre ne s'en inquiétèrent, tant l'air pur leur semblait un baume. Les nuages s'élevaient et se dissipaient, découvrant des perspectives bleues où d'où la lumière s'épandait. Harnais détacha le cheval, puis il enveloppa Charity dans la couverture, et tous deux partirent sous la pluie enfin diminuée et dont les raies déjà se striaient de soleil. Pendant un moment ils gardèrent le silence. Charity épiait timidement Harnais. Il était plus grave que d'habitude, comme si lui aussi était oppressé par ce qu'ils avaient vu. Enfin elle dit brusquement « Ces gens-là sont de ma race. Ils pourraient même être de mes parents, je n'en sais rien. » Elle ne voulait pas qu'il pensât qu'elle regrettait de lui avoir dit son histoire. « Les malheureux, » fit-il. « Je me demande pourquoi ils sont descendus habiter ce nid à fièvre. » Elle eut un rire ironique. « Mais pour y être plus à leur aise, c'est bien pire sur la montagne. Bachayot a épousé la fille du fermier qui habitait autrefois la maison brune. Sans doute c'était Bache qui dormait près du poêle. » Harnais ne répondant pas, elle continua. « Je vous ai vu prendre un dollar pour le donner à cette pauvre femme. Pourquoi l'avez-vous remis dans votre poche ?» Il rougit et il se pencha en avant pour chasser un tank qui s'était posé sur le cou du cheval. « Je n'étais pas sûr. Était-ce parce que vous saviez qu'ils étaient un peu mes proches et qu'alors vous avez pensé que j'aurais honte de vouloir leur donner de l'argent ?» insista-t-elle nerveusement. Il se tourna vers elle, les yeux pleins de reproches. « Oh, Charity » murmura-t-il. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Son chagrin déborda. Je n'ai pas honte. Ce sont les miens et je n'ai pas honte d'eux, sanglota-t-elle. Cher, murmura-t-il, passant son bras autour d'elle. Elle s'appuya contre lui et doucement se mit à pleurer. Il était trop tard pour faire le détour par Hamblin. Le ciel clair fourmillait d'étoiles quand ils atteignirent la vallée de Nordormer et s'arrêtèrent à la Maison Rouge.